écoutez bien Bulle de Rêve, l'émission 100% animation, forcément sur Radio Libertaire. 2 heures d'animation en direct, c'est forcément sur Radio Libertaire. Le générique d'aujourd'hui, on le doit, et après tout, pourquoi pas, à Béla Bartok. Et c'est là où je sors le petit livret, parce que je suis pas sûrement au dernier Coda Allegro Molto du quartet pour cordes numéro 3. Donc voilà, c'était notre générique de début. Alors, c'était une émission qui devait être collégiale, comme d'habitude, de temps à autre. Il y a plein de monde dans le studio. On peut faire semblant qu'il y ait plein de monde. Mais à défaut, comme je l'ai dit avant, c'est un peu éventé, à défaut de quantité, on aura la qualité. Et puis, je suis sûr que Francis viendra nous dire un petit peu tout le mal qu'il a pensé du festival de cette année, sauf s'il veut être invité. Et nous allons évidemment parler de l'événement médiatique de ce mois de juin, ce dont vous avez entendu parler un peu partout, sur toutes les ondes, ailleurs que, évidemment, sur Radio Libertaire, à savoir, bien évidemment, le Festival d'Annecy. Vous en avez entendu parler tous les jours, sur tous les journaux, quand tel film allait passer contre tel film. Enfin, voilà, c'était un petit peu l'événement médiatique. Les gens étaient dans la rue avec des drapeaux, des couleurs, des films qui allaient passer. Enfin, c'est absolument incroyable. Si, vous n'avez pas vu ça. Moi, j'ai vu ça partout, les gens, c'était impressionnant. Les gens avaient des drapeaux japonais, des drapeaux. Malheureusement, peu de drapeaux africains, il y a peu d'animation en Afrique, mais ça va venir. Mais enfin, c'était une espèce de liesse populaire comme ça, incroyable. Tous les soirs, on entendait le film, non ? Je me trompe. Bon, en tout cas, il me semblait que c'était pour ça, pourtant. Donc, c'est un beau rêve. Hein. C'est un beau rêve, bon. Donc, je redescends. On va parler du Festival d'Annecy. On va voir ce qui a changé. On va voir si cette édition, elle était bien, elle n'était pas bien. Qu'est-ce qui était important ? Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? J'ai pas prévu beaucoup de musique parce qu'on normalement on devait être au moins 6 ou 7, on est déjà 4, ce qui est déjà pas mal, autour de ce micro, et on va parler un petit peu de tout ça. J'aurais juste faire un petit coucou, ouais, je sais, j'ai le droit, c'est moi l'animateur, à tous mes DMA de deuxième année qui vont passer leur oral la semaine prochaine. Je leur souhaite bon courage, plein de bonnes chances. J'étais très très content d'être votre prof pendant 2 ans. Non, c'est pas de la démago, Thierry, me regarde pas comme ça, je le pense sincèrement, et je voudrais faire un petit coucou spécial, même si évidemment tous ont mon petit coucou à Louise qui sera... Voilà, bravo à toi, et c'est super, et je suis très très très content, et je suis sûr que tu te retrouveras dans ce studio très très très rapidement. Florentine fait des grands signes. Hein. Louise sera invitée. Voilà, on lui dit bravo, et puis voilà, elle est admise dans une très bonne école parisienne, et bravo à elle. Donc, autour de cette table, on va commencer par Thierry. Steph, bonjour Thierry. Bonjour Alexis. Pourquoi tu étais à Annecy cette année ? Comme ça, pourquoi ? C'est une question. Bon, pourquoi ? Parce que c'est un rite, j'y vais chaque année, ouais. Depuis que c'est annuel, et chaque année depuis que c'était biannuel, tous les 2 ans, depuis pas mal de temps maintenant. C'est important, quand on est dans l'anime d'aller à Annecy, de voir ce qui se passe à Annecy. Qu'on soit dans l'anime, pas forcément, qu'on soit déjà fanat, amateur. Qu'on aime le dessin animé, ça suffit déjà pour motiver, pour se prendre quelques jours et à se faire une dose de film comme on a rarement l'occasion. Comme maintenant, on a l'occasion une fois par an. Donc Thierry est l'éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Bazar & Co. Et qui était l'éditeur de la maison d'édition que tous les amateurs d'animation, évidemment, vénéraient, qui était Dreamland, qui a sorti tant de beaux bouquins. Et Bazar & Co, évidemment, prend la suite de Dreamland, voilà. Pas d'actualité cette année, donc comme quoi on peut aller... Non, mais par rapport à Annecy. Ah non. Comme quoi on peut aller à Annecy, encore une fois, sans... Si, c'était prévu, mais il y a eu un petit bug informatique qui m'a bloqué 2 bouquins, donc c'est d'accord. Pas très, très c'était grave. Quoi c'était voilà, Marie Blair, ouais. Et puis les travesties dans les dessins animés. Et donc c'est ces problèmes d'imprimerie. Donc non, juste un bug informatique. Il y a eu de mauvais PDF, et comme j'étais pas au bureau, j'ai pas pu résoudre le problème. J'étais en vacances, donc résoudre ça depuis le Maroc, c'était pas possible. Donc les livres sortent bientôt ou Sortiront à la rentrée, en septembre. Ok. Rémi Chapman, alors bonjour Rémi. Bonjour. J'ai parlé de Louise tout à l'heure, qui est donc ça aussi c'est une belle aventure, Rémi, qui est encore étudiant, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est étudiant ? Il a fait le DMA de Sainte-Geneviève comme Florentine, avec un film qui est absolument cartonné. Qui a relativement bien marché festival. Non, dis-le, non, mais il faut... Je comprends la modestie, mais qui t'a même amené jusqu'au Japon à un moment donné, qui t'a amené vraiment partout, qui était en sélection. À Annecy, oui, en 2008. Voilà, donc ça, c'était bien. Ensuite, Les Gobelins, on a fait pire comme école. Voilà. Et maintenant, pour encore... plus entériner la chose, pour être sûr. Pour être certain d'y arriver plus tard, oui, la Poudrière, l'année prochaine. Question vraiment bateau, mais Ça fait beaucoup d'écoles. Est-ce que c'était une envie dès le départ ou non? C'est à force de tes études, tu t'es dit, bah tiens, j'aimerais faire ça en plus. Au départ, donc, quand j'ai voulu faire animation, c'est vrai que c'est les deux dernières écoles, donc les Gobelins et la Poudrière, c'est deux écoles que j'avais vraiment envie de faire. Et surtout en faisant les Gobelins, je me suis rendu compte à quel point la Poudrière était très différente au niveau de la formation. Donc c'est vrai que beaucoup de gens disent, pourquoi tu alignes les écoles comme ça? Est-ce que c'est un gros manque de confiance? Donc oui, bien sûr, j'ai un gros manque de confiance en moi, mais c'est avant tout parce que ces deux écoles se complètent très très bien. Et parce que j'avais envie de terminer ma formation par une formation justement qui soit beaucoup plus ouverte au niveau de la créativité, même si au Gobelin, il ne faut pas non plus charrier non plus, on est quand même un petit peu créatif, on l'est même parce qu'on fait un film. Mais à la Poudrière, c'est encore autre chose parce qu'on explore différentes voies qu'on n'a pas du tout l'occasion de voir au Gobelin, et ça me paraissait absolument primordial, surtout que j'aimerais faire la réalisation après. Donc la Poudrière paraissait une... Voilà, et en plus, c'est là où j'habite, donc c'est une raison supplémentaire. Ah ouais, donc c'est pas mal, ça va te permettre. T'étais à Annecy cette année, pourquoi? Parce que tout simplement. Ouais, non, mais... parce que j'y suis allé, c'est ma cinquième année consécutive, et à chaque fois c'est vraiment vraiment génial de pouvoir y être. Je dirais que la première raison qui fait que j'y vais, c'est que c'est voir tous ces films, ça c'est extrêmement inspirant, ça donne énormément d'affluence, ça donne des idées, c'est vraiment un foisonnement incroyable qu'on ne retrouve pas vraiment dans l'année. Et c'est avant tout pour ça que j'y vais, et puis aussi pour l'ambiance qu'il y a, aussi parce qu'on est toute la section animation des Gobelins s'y retrouve, bien sûr, on est tous poussés à y aller. Et c'est aussi l'occasion de nouer des contacts, donc il y a vraiment des tas de raisons qui font que c'est impensable de ne pas y aller cette année, même si on a dû aussi, en parallèle des diverses projections, continuer de travailler sur notre film de fin d'études des Gobelins, qui est malheureusement pas encore fini, mais qui le sera bientôt. Je pose la question du pourquoi, c'est juste pour voir qu'on peut évidemment aller à Annecy, que dans cette passion, on peut y aller évidemment sans actualité, et il n'y a pas besoin. Francis, tu viens dire un petit bonjour ? Un petit... Bah ouais, t'es là, ça va être dommage, comme Francis Garrel qui est là, qui va... Il va parler dans le micro, tu sais comment on parle, ouais. Oui, t'es au courant. On parle. Bonjour. Bonjour Alexis. T'étais à Annecy cette année? Oui, j'étais à Annecy, oui. Ça fait plusieurs années que tu y vas ou... Oui, tout à fait, c'est la quatrième. Et pourquoi cette année? Parce que t'étais pas VIP cette année. Non, je n'étais pas comme toi. Parce que pour savoir, faut savoir que... Raconte aux auditeurs. Était VIP, le comité de sélection l'année dernière. Oh, c'est pas si terrible que ça finalement. Oui, toi tu l'as fait cette année, quoi. Mais justement, non, mais c'est ce qui est bien dans l'anime, on se rend compte que finalement VIP, c'est pas... Oui, je veux bien croire qu'à Cannes, oups, je ne suis pas VIP à Cannes. Donc pourquoi tu étais à Annecy cette année? Alors donc à Annecy, j'y étais en tant que journaliste, hein, pour Radio Libertaire. Donc effectivement, tout à l'heure, nous aussi dans l'émission, on parlera d'animation avec d'autres invités. Alors il y a qui? Alors il y aura Sébastien Lodenbach. Wow. Hein, voilà, il y aura Ron Dienz et il y aura Guillaume Callot. Ah ouais, tu fais... Voilà, mais nous on ne fait qu'une heure. Une heure? Oui, d'accord. Après on parlera d'un tout petit festival qui se tient sur la Côte d'Azur. Donc voilà, c'est d'accord, celui-là, c'est on en parlera un oui, peu. Oui, c'est ça, quoi. Je vois pas. Oui, je... Voilà, et donc pour répondre enfin à ta question, donc j'étais à Annecy aussi, puisque j'étais jury de la presse internationale, donc FIPRESI, comme on dit, dans le métier. Et donc j'avais du coup la joie de pouvoir apporter mon commentaire sur la sélection faite par, entre autres, un certain Alexis Huneau. Est-ce que tu nous feras le plaisir de venir à ce micro t'asseoir 5 minutes tout à l'heure? Je viendrai m'asseoir 5 minutes tout à l'heure à ta demande. Merci. Génial, je te remercie beaucoup. Et évidemment la dernière, celle sans qui cette émission ne serait rien, vous le savez tous, Florentine Grelier. Bonjour Florentine. Bonjour Alexis. Rémi Chapman, j'ai dit le nom et tout, j'ai tout dit, j'ai bien dit. Je crois que tu as tout dit, oui. D'accord, Alexis. D'un seul coup j'ai eu une angoisse. Florentine, toi t'étais à Annecy aussi cette année, pourquoi? Oui, pour la première fois en tant que journaliste, puisque pour Bulle de Rêve et The Web Anime, puisque tu étais en juré de sélection, j'ai pu avoir cette belle accréditation qui me permettait d'avoir plus de place qu'à l'accoutumée. Ça fait 5 fois que je viens également comme Rémi. Et c'est vrai qu'avant, j'étais étudiante. Et bon, là, il y a un petit changement quand même entre les deux accréditations. Ouais. Et voilà. Sinon, c'est vrai que c'est un peu un rite. C'est là où il faut être. De toute façon, quand on fait de l'animation, c'est le festival français. Donc, c'est vrai que ne pas faire Annecy, c'est... Même du monde, oui, international, oui, tirer, c'est vrai. Il y en a d'autres internationaux, c'est vraiment le... Mais le c'est vrai plus que c'est grand celui en France, après, où les internationalement, gens vont... il y a Ottawa, il y a Hiroshima, il y en a d'autres, des grands, donc je ne sais pas quel est le meilleur des internationaux. Sans mais... parler de meilleur, je pense qu'on peut vraiment dire qu'Annecy est le top. Annecy est le top. Et le plus gros. Donc le plus gros. D'autres festivals ont essayé vraiment de la place se où il faut être. Sauf que toi, tu avais une actualité aussi cette année. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, j'ai également une exposition sur mon dernier court-métrage Roux. À la MJC Nouvelle, qui s'est très bien passé. Ouais. J'étais très émue. Enfin, c'est un peu l'effet Annecy, parce que j'étais pas si émue de montrer le film ou d'en parler, même aux formes des images. Pourtant, c'est déjà très bien. Et c'est vrai que que montrer ça dans le cadre d'Annecy, ça fait un petit quelque chose. Quoi. Ah, c'est voilà. Une très, très jolie expo, donc c'est vrai que c'était bien. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois d'aller jusqu'à la MJC Nouvelle. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Annecy, c'est un peu loin, donc on est vite d'y aller. Même si finalement, ce n'est pas si loin que ça quand on prend le bus au bon moment. Et voilà, mais en tout cas, on n'a pas l'habitude. Normalement, on doit nous rejoindre Richard Van Den Boom. Je ne sais pas s'il viendra producteur chez Papy 3D. Marine Blin. Et Samuel Yal qui arriveront d'ici Samuel un quart d'heure, 20 minutes. Par contre, que vous n'avez jamais entendu à ce micro, qui est réalisateur. Voilà, et bien sûr, je leur poserai la question. Alors, vous savez que normalement, j'avais prévu peu de musique, puisque j'espérais qu'il y ait plein de monde. Et je pense que plutôt que d'entendre de la musique, pourtant Dieu sait si c'est agréable, on va entendre une autre musique qui est tellement belle, qui est la voix de Florentine. Oui, je sais, plutôt que d'entendre la mienne, ça fera pas du bien de l'entendre. Et donc, on va commencer. Je me suis tellement fait engueuler en disant « Elle n'a pas le temps de faire son agenda, c'est dégueulasse, etc. » Donc maintenant, pour vous, l'agenda de Florentine, qui va nous parler de ce qu'il ne faut pas louper. Ce qu'il ne faut pas... Non, c'est pas très français, si. Ne faut pas louper, en tout cas, dans le mois qui arrive. Il y a un peu moins d'actualité, puisque c'est vrai que l'été est une période un peu creuse. Et je vais vous reparler de certains rendez-vous que j'avais déjà évoqués le mois dernier. Mais je commence d'abord avec le mardi 22 juin, un florilège donc pour Annecy 2010 au Forum des Images. Et cette fois-ci, c'est l'agence du court-métrage qui s'y colle. La semaine dernière, c'était Télérama. Donc il y a 11 films sélectionnés dans la programmation. Et voilà. Des choses bien aussi. Voilà, alors c'est une occasion de revoir Love and Theft d'Andrea Sikane. Ah, magnifique ce rendez-vous. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous pourrez le revoir deux fois, normalement, si vous y prenez bien au Forum des Images. Donc, le mardi 22 juin, on a ce florilège-là. Exact. Ensuite, j'en parlerai un peu plus tard. Et avant ça, donc, jeudi, on a deux événements. Ça va être dur de choisir. On a l'animathèque de l'AFCA, dont j'avais déjà parlé, avec en fait, une avant-première de la fête du cinéma d'animation qui sera sur le collectif de producteurs. Donc, pour ça, l'AFCA a organisé des programmes thématiques de courts-métrages sur les 17 sociétés indépendantes. Il y a quoi qui est montré ? Non, j'ai pas la liste. Par contre, c'est le programme Chacun son chemin. Donc, ils préparent 4 programmes qui vont tourner partout en France et à l'étranger. Et j'ai pas exactement le programme. Parce que tout n'est pas intéressant. Je sais qu'il y a certaines choses qui se valent vraiment le coup et d'autres qui sont vraiment... Il y a une dizaine de courts-métrages en présence d'invités. Moins bon, Je pense que ça vaut quand même le coup. Oui, sauf que la projection, ça, c'est le film qu'on verra, la projection Annecy, c'est ça en même temps au Forum des Images. Oui, non, on a en même temps la Péniche Cinéma avec la projection de Vasco, donc le dernier film de Sébastien Lodenbach. Ah oh, ouais, c'est chiant ça. il faut le voir. Moi, j'ai toujours pas vu. C'est un film magnifique en plus. Je l'ai vu. Alors là, vraiment, je peux le dire, j'arrête de dire de bêtises pour une fois. C'est un film absolument magnifique et qui est superbe. Et j'avais un peu moins aimé le film de Sébastien qui était juste avant, qui était un très beau film, pourtant on regardait à Oana. Et celui-là, il revient dans une veine que j'aime beaucoup. Et c'est un film vraiment très, très beau. Et c'est vrai. Non, j'espère qu'il va juste. Si je dis ça, c'est que j'espère qu'il va passer dans de nombreux festivals. Il est déjà passé à Cannes. Et j'espère qu'il va passer déjà à Annecy l'année prochaine et qu'il passera dans différents. Donc là, jeudi 24 juin à 19h, on a ou l'animathèque de l'AFCA, donc au cinéma Le Denfer, avec sûrement ma bande-annonce finie pour la fête du cinéma. Bon, en avant-première. Et donc, on a aussi à 19h, à même heure, à la Péniche Cinéma, donc c'est 59 boulevard McDonald dans le 19e. Il y a donc Vasco, mais il y a également le bûcheron des mots de Isoutrin, si je prononce bien, et Adieu Général de Louise Brissonneau. Et il y a également d'autres courts-métrages qui sont projetés, et, avec pareil des réalisateurs et des producteurs. Donc, c'est deux choses très intéressantes. Ouais. Donc voilà, un choix difficile. Ensuite, donc le 29 juin, on a la carte blanche d'Andrea Sikane au Forum des Images, où vous pourrez revoir. Si vous y prenez bien, vous pouvez revoir Love and Theft, le dernier Icade. Le mardi 22 juin, ils ont bien joué leur coup parce que, je tiens à le dire, même si j'aime pas tous les films, ils ont le choix donc au Forum des Images quand même est impressionnant parce qu'ils vous aurez le Grand Prix. Oui, c'est ça. D'Annecy, vous allez avoir, je crois, un ou deux films qui ont eu des prix spéciaux, enfin, etc. Oui, donc, ils ont fait de commande sur Rock Band Beatles. Voilà, donc ils ont fait vraiment un très bon choix. Enfin, un très bon choix. En tout cas, ils ont eu le même choix que le jury. Et un film de fin d'études aussi. Je suis pas forcément d'accord, évidemment, mais en tout cas, ils ont fait le même choix que le jury. Et donc, vous pourrez voir, on va dire, un peu ce qu'a semblé au jury cette année. On en reparlera tout à l'heure, ce qu'a semblé être de mieux au jury. Donc, c'est vrai que si vous avez l'occasion, 22 juin, ça vaut le coup vraiment d'aller au Forum des Images. Excuse-moi. Et donc, après cette carte blanche, on a le festival Paris Cinéma. Donc rappelle quand c'est la carte blanche. La carte blanche, parce que donc c'est mardi 29 juin, c'est toujours 19h et 21h. Donc, l'invité Andrea Sikane, et il montrera d'abord les films qui l'ont influencé, puis après ses propres films. Ring of Fire. Donc voilà, ouais. Allez voir Ring of Fire si vous ne l'avez pas vu sur grand écran, c'est magnifique, c'est un cinémascope, c'est. Bon. allez le voir. Ouais, mais bon, j'ai déjà dit, ça fait quand même deux émissions que je saoule un peu les auditeurs avec Andrea Cicade. Donc, allez voir Andrea Cicade. Voilà. Ring of Fire. Ah oui, c'est tiré de Mende, ça fait. C'est allemand et ça fait une bonne quinzaine, une dizaine d'années normalement. Ring of Fire, c'est 2000. C'est une sorte de cow-boy. C'est 2000, une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà, donc pour après début juillet, on a que Paris Cinéma. C'est après, ça commence la période de désert. Et Paris Cinéma, c'est du 3 au 13 juillet. Et donc cette année, c'est le Japon qui est à l'honneur. Enfin, le Japon et puis énormément d'invités. Enfin, ils sont vraiment. Enfin, vous pouvez aller voir sur www.pariscinema.org. Il y a des rencontres, des invités, des avant-premières. C'est très foisonnant. Mais là, j'ai fait une petite sélection de ce que vous pourrez trouver d'animé un peu dans la sélection. Et il y en a quand même quelques-uns. Par exemple, au MK2 Bibliothèque, on a Mind Game donc de Yuasa qui passe à deux dates, le lundi 5 juillet à 13h et le mardi 13 juillet à 16h. Et si vous ne l'avez pas vu, voilà, foncez, même si Florentine n'aime pas, c'est vraiment c'est un film que j'aime pas, qu'on aime pas ou qu'on n'aime pas, qu'il préféré, faut absolument aller voir. C'est un film, je pense, qu'il faut effectivement important. Voir, surtout là sur grand écran, oui. Au MK2 Bibliothèque, qui est une belle salle. On a aussi 5 cm par seconde, qui est intéressant, dit, De Makoto Shinkai, qui passe le dimanche 11 juillet à 17h. Mm. Et il y a également un programme de court-métrage avec Hand Soap de Kei Hoyama. Énorme. J'en parlais voilà, énorme. Hansuk, c'est Alexis, énorme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qui a été en compétition cette année à Annecy. Yuki Chan de Kei Oyama. Qui est vraiment intéressant. Qui est un autre court-métrage du réalisateur. Ouais. La maison en petit cube de Kunio Kando. Et She and Her Cat de Makoto Shinkai. Et voilà, c'est des courts-métrages animés qui passent avec d'autres courts-métrages en prise de vue réelle. Donc mardi 6 juillet, dimanche 11 juillet, mardi 13 juillet. Il y a beaucoup de dates. Donc de toute façon, vous pouvez tout retrouver sur leur site. On a également... dans le jeune public, il y a le Noël de Komaneko qui est beaucoup moins bien que le premier qui est sorti. mais bon, qui peut être amusant. Mais qui est mignon quand même. Il y a My My Miracle également qui passe en plusieurs séances. C'est un joli film. On a en avant-première de 3 jours une journée Toy Story en 3D relief avec un tarif spécial de 7€ la séance 3D relief. Donc c'est plutôt pour ça qu'il faut aller le voir. Ce n'est pas très cher. Ou et pas. Ça passera. En tout cas, si vous voulez aller le voir, vaut mieux aller le voir pendant Paris Cinéma parce que le prix est moindre. Donc ça passera au Gaumont Opéra Capucine le dimanche 11 juillet. Il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre son portable. Ah, non, c'est bon. Marine qui vient de nous rejoindre peut-être. Ne dis pas que c'est moi. Ah, c'est Francis qui essaie de foutre en l'air mon émission et qui donc fait ça. Bien joué. Donc voilà, et pour finir, on a une nuit One Piece du 3 au 4 juillet à partir de 21h au Forum des Images. Donc le forum qui se met à animation, peut-être un peu jeune, parce qu'ils disent que les spectateurs sont conviés à venir en tenue déguisée pour un cosplay festif. Donc je pense qu'ils visent les gens qui viennent au Japan Expo. Ils visent, je pense, les ados. Et surtout que les One Piece ne sont jamais passés en salle, je pense. Le dernier est passé à Annecy, mais voilà, c'est ça. Ils passent les 5 films d'affilée toute la nuit. Donc peut-être que ça intéressera certains. Donc on a les rencontres mensuelles, mais pour juillet, il n'y a que les apéros animés le mardi 6 juillet, puisque les Bring Your Own Animation Bayoa font la pause cet été. Voilà, ils reprennent en septembre. C'est donc les mardi, commerciaux, ils se reposent. Mardi 6 juillet, on a donc l'apéro animé, comme d'habitude, au bar La Mer à Boire à partir de 19h30 à Belleville. Et puis pour finir, j'ai quelques infos en vrac. Vous pouvez par exemple toujours acheter le positif numéro 592 de mai 2010 en kiosque, donc qui était spécial festival d'Annecy et spécial animation. Ouais, avec un très bon article. Tout le dossier ne vaut pas forcément la peine, mais un très bon article de Bernard Génin sur les courts-métrages avec plein de chiffres. C'est-à-dire, si vous voulez savoir combien coûte un court-métrage, etc., etc., les difficultés, son article est vraiment bien. Il a eu 4 pages. Et c'est un très très bon article pour ça. Voilà, on a aussi une bonne nouvelle pour les fans de Futurama, puisque Matt Groening l'a dit à Annecy, mais on le savait déjà, la série va être reprise par la chaîne Comédie Centrale pour une 6e saison, puisqu'apparemment les 4 films qui étaient sortis en vidéo ont très bien marché, et donc c'est reparti pour 26 épisodes. Voilà, donc ça commence le 24 juin aux États-Unis, a priori ça viendrait rapidement en France, voilà, pour Futurama. Génial. Juste pour info, les 5 génériques des Gobelins de cette année sont en ligne maintenant. Vous pouvez les retrouver assez facilement sur la chaîne YouTube du festival ou des Gobelins. Donc si vous les avez manqués, vous n'étiez pas au festival d'Annecy, vous voulez vous faire une idée, avez de la chance. Vous pouvez les voir en ligne. Voilà, très bien. Non, il y en a ou deux qui sont sympas, je suis méchant. Et notre prochaine émission est le 17 juillet. Alors voilà. Alors juste avant de passer, le 17, on risque d'avoir peut-être 2 émissions en juillet, c'est pas encore sûr, mais peut-être 2 émissions et j'espère même avoir une émission de 2 2 heures avec Florence Millaille, même la promise serait vraiment bien. Et peut-être, voilà, 2 heures, je l'annonce déjà, alors qu'il n'est même pas au courant, peut-être 2 heures avec, peut-être faire un point sur Papy 3D, vous les connaissez, on en a déjà parlé, Franck Dion notamment, qui a souvent été là, et faire un point sur cette jeune maison de production et savoir où ils en sont, sachant que Love Patate a eu le succès qu'on connaît en étant sélectionné et à Cannes et à Annecy. Et voilà, donc savoir un petit peu ce qu'il en est, mais j'aimerais bien avoir en tout cas ces 2 heures aussi avec Florence Millaille, ce qui serait plutôt bien. Ça serait très bien. Nous a rejoint, j'ai l'impression de parler nous a rejoint dans ce studio, Marine Blin. Bonjour Marine. Bonjour. Donc vous l'avez déjà entendu souvent, étudiante, donc elle a fait le DMA, encore une qui a fait le DMA, c'était à l'ESAT, et ensuite là, qui est en ce moment à l'EMK, l'EMK. École des métiers du cinéma d'animation. Voilà, donc j'ai remarqué qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Qui est l'inverse, Thierry? Si tu fais l'inverse, c'est Acme, ce fameux nom, oui. Voilà, hein, qui apparaît dans les Warner notamment, et mythique. C'est pour ça qu'on fait l'école d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui était ce nom en fait, avec tous les gadgets notamment du Coyote pour essayer de piéger Bip Bip, mais visiblement ce n'était pas voulu par l'EMK, comme quoi les choses sont surprenantes. Pourquoi tu étais à Annecy cette année? Tout le monde y a eu droit. Nous, ça a été un peu particulier dans le cadre de la formation scolaire qu'on a. On est censé, une année sur deux maintenant, puisque la formation est passée en 3 ans, aller au Festival d'Annecy. Et cette année, on était censé faire un autre festival d'animation pour s'ouvrir un peu à d'autres choses. Mais bon, on a fait un peu pression sur les autorités pour pouvoir assister au 50e anniversaire du festival. Voilà. C'est une dictature, l'EMK. Sur les autorités. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est. Parce qu'en plus, c'est l'anniversaire, c'est voilà, ça. Voilà, c'est un peu... plutôt pour ça. On s'est dit que ça allait être une édition un peu spéciale, qu'il y aurait du monde, qu'on pourrait voir d'autres choses. Ce qui n'était pas forcément le cas, mais bon, c'était un bon festival quand même. Voilà. Ça fait combien de fois que tu vas au. Moi, c'est ma quatrième. Cinquième. Allez, Thierry, dis-le nous. Les gens qui te connaissent pas, ça fait combien de fois que tu vas dans le micro, bien dans le micro. Combien de fois, je sais pas, mais depuis 71 ans. Wow. Donc, ça fera mes 40 ans l'année prochaine. Wow. Même Nicolas, regarde la bête. Il faut des dinosaures. C'est qui 40 non, regarde, je te comprends, moi aussi, ça m'a impressionné. Il y en a encore qui sont depuis 60. Oui, on a eu, bien sûr, on a comment. J'ai un trou de mémoire absolument terrible. Bah, Michel Roudévitch. Michel Roudévitch, ouais. Michel, on les fait. Nicolas Salomon, il y a. Je me demande si Manuel Otero n'a pas fait. Non. Manuel Otero, c'est 62 ou 63. Il est venu après. 71, tu te rappelles ton premier souvenir quand t'as mis les pieds la première fois? Si tu faisais quoi? La première fois. Alors, mon souvenir, c'est que j'y suis allé en 2 chevaux. On a mis entre 8 et 10 heures, c'était infernal. Qui faisait un ton de chien, que le camping était abominable. Mais que les films, c'était. À chaque séance, c'était vraiment des coups de poing. Des coups de poing, parce que aussi, bon, à l'époque, il y avait encore quelques noms qui étaient. Trenka, Grimaud, Alexeyev, Dunning, Chuck Jones, Alex, McLaren, tous ces gens-là. Oui, et donc, pour moi, c'était une vraie découverte. Et c'était vraiment, à chaque séance, c'était vraiment. Comment dire? Il est découverte. Enfin, je sais pas, c'était vraiment une telle émotion. Vas-y, enchaîne, parce que là j'ai un trou. Non, mais c'est intéressant, parce que est-ce que c'est pas pour tout le monde? On a 3 personnes plus jeunes dans le studio. Est-ce que pour vous, Marine, tu as arrivé? Est-ce que ça n'a pas été. Tu dis 4 ans. Est-ce que quand il y a 4 ans, tu es arrivé, tu étais à l'ESAT? Tu te rappelles, toi, ton premier Annecy? Moi, mon premier Annecy, oui, c'était un. Enfin, c'est moins loin, donc c'est facile. C'est moins loin, mais c'est quand même un souvenir qui reste très. Très présent, pareil, ça a été les grosses claques et tout, la découverte de beaucoup de choses au niveau de l'animation, parce que moi j'avais pas vu grand chose, ou en tout cas ça se cantonnait un peu toujours au même univers, au long métrage, pas tellement de courts et tout, et ça a vraiment été une découverte sur la production du court métrage international et tout, et j'ai de très très bons souvenirs de quelques courts métrages comme ça, qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont donné aussi l'envie de m'orienter plus vers la réal et de choisir ce que j'allais faire plus tard. Quoi. Rémi? Donc moi la première fois c'était il y a 5 ans, ce qui m'avait vraiment marqué je pense c'est pareil, c'était vraiment le foisonnement de films qu'on voyait d'un coup, enfin, le fait de voir autant de films en si peu de temps, c'était assez incroyable, et puis bien sûr l'ambiance du festival, j'ai découvert à ce moment-là la grande salle avec ses avions en papier qui sont absolument fameux, je conseille à tout le monde d'aller voir ça au moins une fois dans sa vie, et c'était vraiment, c'était encore plus que les autres fois suivantes, c'était vraiment très très très inspirant en fait pour la suite. Enfin, c'était vraiment, c'était très galvanisant. Je sais pas trop, il y a peut-être des adjectifs un peu plus qualifiés pour ça, mais c'était vraiment un peu comme un grand coup de pied au cul pour faire pareil. Voir c'est bien aussi. Non, mais Joanna Quinn, ouais. Si je dis ça, c'est par rapport, on va demander, je vais demander à Florentine bien évidemment, mais c'est parce que juste Joanna Quinn dit bien quand elle a eu ses prix pour Dreams and Desire, elle est montée sur scène et elle a dit, la première fois que je suis venue à Annecy, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que Disney qui faisait de l'animation. Alors aujourd'hui, ça a changé. On a fait notre animation sur Internet. On se rend compte à quel point l'animation est beaucoup plus ouverte et qu'on peut. Mais à quel point, en effet, il y a aussi ça. C'est-à-dire le choc visuel et le choc d'un seul coup de ce qu'on voit à Annecy. Thierry, avant de parler à Florentine, de demander à Florentine. Ce qui est très important, c'est la charge que ça te donne. C'est que je me souviens, à chaque Annecy, je revenais, je prenais mes papiers, mes crayons, et hop, je me mettais à décider comme un dingue. J'avais tout de suite des idées de films. Ça donne vraiment envie de refaire des films. Même si t'en fais pas, c'est pas le problème, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est que ça te redonne, non, ça te redonne l'envie. Ça te remet un élan pas possible et de voir toutes ces créations qui te remplissent l'esprit, c'est super positif. Florentine, toi, ton premier Annecy aussi, pareil, t'étais déjà fan, je te connaissais, il y avait déjà une envie de découvrir du cinéma, alors là, c'était. Ça entérinait la chose, c'était. Oui, ça entérine, puis c'est vrai que l'ambiance. Sentir, alors le milieu de l'animation est très petit, c'est vrai que bon, quand t'es à Paris ou que t'es un peu isolé, que t'en parles, tu te sens un peu seul. C'est vrai que là, d'un coup, tu es avec que des gens qui ne jurent que par ça. C'est vrai que pouvoir parler d'animation jour et nuit, bon, ça fait un peu sec, hein, mais ce que je raconte, mais c'est vrai que ça fait du bien, c'est très agréable. Et après, un peu secte. Non, je dis, ça faisait un peu ça fait un peu sexe dire ça. Je parle les jours et les nuits, je faisais qu'est-ce qu'elle raconte en parlant les nuits, mais sont sérieuses quand même. Francis, avant de parler la parole, tu peux parler dans un micro ou tu peux, Nicolas, on peut. Toi, tu te rappelles de ton c'était quand ton premier festival? Mon premier festival, donc, c'était c'était il y a 4 ans. Ok, donc tu étais déjà venu pour Fipressi ou c'était pour En fait, la première fois que je suis venu, c'était pour la Fipressi. Et est-ce que tu connaissais l'animation? Tu étais déjà à Cannes? Alors, j'étais déjà à Cannes et je connaissais l'animation. Disons que j'avais eu mon premier coup de cœur en animation en faisant les sélections pour Cannes en 2004. Et c'était quoi? Tu te rappelles le film qui t'avait... Je me rappelle, en fait, donc à la semaine de la critique, on présente 7 courts-métrages en compétition. Et cette année-là, sur les 7 courts-métrages, il y avait 3 animations. C'était un peu l'année révélation de l'animation pour moi. Donc, il y avait Signe de vie d'Arnaud Demeuin, L'homme sans ombre de George Fitzgable et Ryan de Chris Landreff. Wow. Et là, cette année-là, je me suis dit, moi, je connaissais l'animation, je dirais, comme le grand public, quoi. Et je me suis dit, ah, mais il y a plein de choses passionnantes en animation. C'est vraiment un terrain de recherche, de découverte. Donc, il faut que je fasse plus attention. Et je suis arrivé à Annecy seulement, donc il y a 4 ans. Donc, c'était en 2007, quoi. Et alors, tu te rappelles, c'était un choc aussi, tu peux dire. Quand je suis arrivé le dimanche après-midi, le choc principal, donc, il était double, en fait. C'était de dire, là, j'arrive dans un festival où il va y avoir que de l'animation. Donc, ça va être une cure. Ça va être génial. Et puis, en même temps, l'autre truc, c'était de découvrir Annecy et de... Une fois ayant récupéré son accréditation, son catalogue, il faisait un soleil radieux, de s'installer devant le lac et de dépiauter son catalogue en regardant le lac et la montagne. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est quand même ça aussi Annecy, et le soir, un super resto. Tu te rappelles de ton premier film vu à Annecy qui t'a marqué? Est-ce que je me rappelle du premier? Non, je me rappelle que c'était l'année de Pierre et le Loup de Suzy Templeton, que ça a été un gros choc dans la salle. Quand même, parce que il y a eu une ovation absolument incroyable à la fin du film, et que là, on a le sentiment qu'on se dit ça y est, c'est un peu comme quand on est à Cannes, on se dit ce film-là, il va être au palmarès. Là, on se dit même s'il y a d'autres films qu'on aime vachement, c'est pas possible qu'il y en ait un autre qui est le Cristal, quoi. Ah, c'est une question que j'ai avant de passer évidemment la parole. Nouvelle. Arriver dans le studio, juste parce que moi je me rappelle vraiment du film qui m'a marqué. Est-ce que vous vous souvenez, vous tous, du film qui vous a marqué votre première Annecy, Thierry? Le premier. 71, c'était. 71, il y a un temps, mais bon. Vraiment, il faut que je retrouve le catalogue pour voir les films, mais dans cette première période, on va dire 71-73, il y a différents films et en plus, c'est un très mauvais film. Parce qu'il s'est fait huer, comme jamais un film s'est fait huer à Annecy. Alors, on va. Si il est mort, donc on peut y aller. C'est un film de Jean Image, patatamorphose. C'était un truc vraiment une merveille. Donc comme c'est 71, 73, c'était encore l'année post-68-art, donc ouais. On faisait encore des films. Il y avait encore des films qui se disaient un peu engagés, il y en a qui étaient vraiment engagés, puis lui était pseudo-engagé. D'accord. Donc c'était un truc sur la civilisation, comment dire, mécanique et tout, mais c'était avec des patates, un papier découpé, c'était pas très très bon. Et il s'est fait copieusement huer, et c'était marrant parce qu'à l'époque, donc c'était avant le bon lieu, c'était dans le casino, il y avait au premier balcon, il y avait une petite loge où les réalisateurs venaient saluer la salle pas du tout en smoking et cravate, wow, hein, c'était quand même très cérémonieux. Et c'est là qu'on faisait aussi les photos, donc il y avait le spot, et il y avait Monsieur Jean Image, donc déjà 70 ans bien sonné, qui était là, comme dans figé, et tout le monde sifflait, hurlait dans la salle, wow. C'était très dur. Ça doit être quelque chose. Donc c'est un souvenir, c'est pas un bon film. J'ai plein d'autres bons films, bien sûr, quand même, mais là c'était marrant. Florentine, tu te rappelles du premier film que t'as marqué ? Il me semble que c'était cette année-là où il y avait une absentia en panorama qui m'avait beaucoup des marqué. Frères, quoi. Et pour le coup, qui avait été aussi un peu chahuté, c'est un peu particulier. Enfin voilà, j'ai les étudiants, il y avait certains qui avaient un peu chahuté. Et il y avait aussi un 2-3 crépuscules de Félix Dufour-Lapeyrière, ouais, qui m'avait bien marqué dans la grande salle. Voilà. Marine ? Moi, c'était Adjustment de Ian McKinnon, un film d'étudiant de la Royal College of Art, ouais, il me semble. Et ça avait été un gros choc entre j'avais trouvé ça génial au niveau de la concordance entre le fond et la forme, et ça avait été un gros coup de cœur, quoi. Rémi. Moi, malheureusement, ça s'est un peu mélangé en fait avec les différentes éditions, donc j'ai pas vraiment de souvenir de la première édition. Par contre, je me souviens qu'il y a 2 ans, je crois, il y avait une rétrospective de Zbigniew Rybczyński, où j'avais découvert tous ses films. En fait, j'en connaissais qu'un seul, et là, j'avais absolument adoré son travail qu'il avait fait sur les vidéos. C'est un peu à la Gondry, mais avant lui, bien sûr. Avant, ouais, donc. Et ça, c'était un des souvenirs assez forts que j'ai gardé. Ouais. Et moi, puisque tout le monde me demande, pas trop fort. C'est les possibilités du dialogue du grand Yann Schwankmeyer, qui était une quoiterie. Évidemment, ça va être un grand problème. Thierry est très très Disney, donc ça va être un peu difficile entre Thierry et moi. Non, c'est pas un problème, mais c'est pas mon grand prix choc. Non, mais moi, c'est la première année où j'allais à Annecy, et c'était. Je suis désolé, quand tu connais mal l'animation et ta vision du cinéma reste où d'y aller. Oula. Ok, donc je vous invite en deuxième heure Celebrity Deathmatch, Thierry Steff, Alexino, et on va s'amuser un petit peu, mais on va quand même accueillir, parce qu'il est là depuis 5 minutes, sûrement le plus grand danseur des animateurs. Il s'attendait pas à ce que je dise ça, évidemment. Au micro, en direct, l'imitateur officiel de Michael Jackson, qui est avec nous. Non, je le remercie beaucoup d'être là, parce que comme Thierry, c'est la première fois qu'il est là. C'est Samuel Yal. Bonjour, Samuel. Pourquoi t'étais à Annecy cette année ? Bah pour danser Michael Jackson. Pardi. Que t'as pas beaucoup fait. Et non. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Oui, donc moi j'avais un film sélectionné en panorama, donc en hors compétition, donc mon court-métrage L'Oiseau, qui date de 2009, et donc qui était programmé cette année à Annecy. Voilà, donc c'était la raison principale pour laquelle je venais à Annecy, même si en fait je viens habituellement facilement à Annecy depuis plusieurs années. Là, il y avait une raison valable pour venir. C'est difficile pour Samuel de se concentrer parce qu'il y a 2 nouveaux invités qui arrivent et donc il y a plein de mouvements dans le studio. Comme je vous avais dit, il y aurait plein de monde, on ne pensait pas. Et puis finalement, voilà, les gens arrivent, c'est génial. Excuse-moi Samuel, vas-y. Donc non, pour L'Oiseau, ouais, pour... Voilà. Et puis voilà, parce que j'ai l'habitude de venir à Annecy Ça fait combien de fois que tu viens à Annecy ? Alors j'ai du mal à compter. En fait, bon, moi, mon premier Annecy, c'était il y a très longtemps. Alors ça veut pas dire que je sois très très vieux, mais en fait j'étais très très jeune. Parce que comme je suis originaire de la région, c'est vrai qu'en fait on participait facilement au festival en étant à l'école et tout ça. Et donc après, c'est vrai que j'en ai enchaîné. Enfin, quand on est du coin, on va pas forcément voir toutes les séances, mais on se fait au moins une ou deux séances comme ça. Donc j'avais connaissance de certains ovnis de l'animation des pays de l'Est ou autres assez rapidement, en fait, par rapport peut-être à des gens qui sont plus éloignés de cette sphère culturelle. Je suis désolé, on va rentrer un peu dans le privé. Mais juste à raconter une histoire, c'était étonnant. On a rencontré Bill Plimpton, lors d'une des soirées, etc. Et tu m'as raconté une histoire, est-ce que au micro comme ça tu peux la complètement dire. Non, c'est-à-dire que le souvenir de ma première séance à Annecy, donc je devais être gamin, alors je sais pas, faudrait voir de quelle époque date le film pour arriver à cerner l'année exactement, mais donc il y avait effectivement le film de Bill Clinton, Comment arrêter de fumer en 25 leçons, enfin un truc comme ça. Oui, c'était il y a longtemps. Hein. Thierry connaît bien, dit « Ouh là là !» Non, je devais être en CP ou CM1, un truc comme ça. Et en fait, ça m'avait vachement marqué, ce film. Alors, pas forcément tant ce qui était raconté, quoique, c'est vrai que c'était assez marrant. Mais ce qui m'avait marqué, c'était le tremblement perpétuel du dessin. Et finalement, la manière dont ça pouvait figurer la représentation comme ça. Et c'est un truc qui m'a pas mal poursuivi aussi dans mon travail de plasticien, cet aspect-là, cette espèce de vibration permanente qui donnait une présence assez spéciale à ce qui était représenté. Quoi. Voilà. Puis après, il y a eu Schwenkmayer aussi. Pas forcément en salle, mais parce que les bibliothèques d'Annecy étaient assez fournies aussi en documents sur l'animation, donc on avait accès j'avais accès à pas mal de choses. Quoi. T'as été voir ton film en salle ? Oui, je suis allé voir deux fois, ouais. Et ouais. Alors ? Bah alors c'est marrant parce que en fait donc là on est en 2010, donc c'est un projet en fait que j'ai commencé en 2007. Donc en fait il y a un côté un peu, c'est une actualité en fait, mais pour moi ça appartient un peu à un passé, ouais. Même si c'est proche. Donc du coup il y a une sorte de d'effet de, je sais pas de un peu de distorsion ou de côté un peu différé entre ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on voudrait faire, et puis en fait ce que les gens perçoivent dans le présent. C'était sympa de le voir dans des bonnes conditions aussi, notamment au niveau du son, c'était plutôt assez bien. Même si, c'est pas pour faire l'artiste maudit, mais c'est toujours assez douloureux de le revoir, parce qu'en fait, moi, je vois vraiment que les défauts. Enfin, ça peut paraître aussi cliché de dire ça, mais je vois vraiment que les défauts. Et du coup, j'arrive pas à m'imaginer que les autres voient autre chose que les défauts. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir autant de regards que de spectateurs dans la salle qui sont braqués sur les défauts, qui épouse finalement mon regard. Et donc, c'est une expérience assez traumatisante. Assez douloureuse. Donc, on va essayer de revenir dessus, mais pas trop non plus. Je vais faire quelque chose qui se fait absolument pas et j'en suis désolé d'avance. Évidemment, il y a deux nouveaux invités, j'aurais dû passer la parole d'abord à la jeune femme plutôt qu'au jeune homme. Mais je vais faire l'inverse parce que je vais garder Sarah pour la fin. Je vais commencer avec Richard. Richard Van Den Moon qui vient d'arriver. Pourquoi tu étais à Annecy cette année ? Bonjour d'abord. Désolé du retard, t'es coincé par une manifestation de sans-papiers, ce qui est donc une bonne cause. Donc ça va. C'est pas... Pourquoi j'étais en compétition ? C'est assez simple, parce que j'avais trois films projetés dans le festival, ce qui est déjà en soi pas mal. Richard est producteur Papy 3D. Donc producteur de... Enfin, je suis pas producteur, je suis le gérant de Papy 3D, oui, ce qui est une nuance très importante dans le cadre de notre structure. Donc on avait trois films en compète, deux films en compète, un qui aurait dû l'être, et qui donc n'a pas été en compète, et qui donc s'est retrouvé dans le programme des refusés. C'était Monsieur Coq et de Franck Dion, et donc on avait les films La femme squelette de Sarah Vandenbaum, qui est présente, et L'œuf patate de Gilles Cuvelier, qui étaient tous les deux donc sélectionnés en compétition. Donc c'était une bonne raison de venir. Je me doute, ça fait combien de temps, ça fait combien de fois que tu viens à Annecy ? Alors, écoute, nous, on est des épisodiques, on vient en gros tous les deux ans. Ok. Souvent parce qu'on a un projet auquel on est plus ou moins lié qui est présent. Donc, il y a deux ans, il y avait le film de Franck qui était déjà. Il faisait partie d'une séance spéciale. Et on avait un projet de série qui avait été accepté au concours de projet, donc qui était présenté là-bas. C'était en 2008. En 2006, Sarah avait son film Novecento en compétition. Ensuite, la seule fois où on est venu vraiment que pour regarder film d'anime, c'est en 2002. puisqu'en 2000, qui est notre la première fois où on est venu, c'était Sarah avait son film en compétition en fin d'études. En fin d'études, d'accord. C'est une habituée du lieu. C'est bien, elle va nous en parler. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Bromberg ne se souvient toujours pas de son prénom. De son prénom. Et n'ai vu aucun de ses films. On en parlera après. On en parlera après. Moi, je suis méchant avec lui. Non, mais c'est bien. J'ai dit avant de commencer l'émission, en fait, hors micro, j'ai dit c'est bien parce que j'aurais normalement deux râleurs à ce micro, même s'il n'y a pas forcément autant de monde que je pensais, Thierry et Richard. Donc voilà, je vous présente. Enfin, tu sais bien que pour des questions purement politiques, je ne peux pas râler ici autant que quand je râle en privé. Ça, c'est sûr. En privé, bien sûr. Mais après, c'est à moi. Thierry m'a dit la même chose. On verra dans la deuxième heure, on parlera plus du festival. Enfin, on va rentrer vraiment là dans le vif du sujet. On va en parler un petit peu plus. Est-ce que tu te souviens du premier film qui t'a marqué en 2000, la première fois que tu es venu à Annecy pour le film d'étudiants de ça? Alors, en 2000, en fait, moi, je n'ai vu zéro séance. Parce qu'on est venu, on avait une fille qui avait 4 mois, 3 mois. Et en fait, on avait pris un hôtel en dehors d'Annecy. En gros, je faisais le babysitter pendant. Sarah a vu peut-être 2 ou 3 séances. Et donc, ton premier vrai festival, c'était 2002. Tu te rappelles la film qui t'a marqué? Est-ce que je me souviens d'un film en 2002 qui m'a marqué? En fait, je me souviens en 2002 d'une séance de Driessen, où je découvrais complètement cet auteur, que je ne connaissais pas du tout avant, ce qui prouve à quel point j'y connaissais rien en animation. Et d'ailleurs, je connais toujours pas grand-chose. Parle bien dans le micro qu'on t'entende bien en train de dire des choses comme ça. Oh bah, c'est pour ça que je dis que je suis gérant et pas producteur. Je prétends pas y connaître quoi que ce soit en animation. C'est surtout en fait de cette année-là, je me souviens surtout de ça et puis du Grand Prix quand même qui était Barcode, qui est quand même un pur scandale, hein, on peut le dire. Okay. Moi, surtout qu'il y avait quand même quelques beaux films dans moi, mon souvenir. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, cette année-là. On va commencer. On salue juste. Après, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tout le monde arrivant, on présente tout le monde. On salue Michael. Bonjour. Salut, qui vient d'arriver, que vous avez déjà entendu à ce micro, qui est étudiant donc au DMA de Sainte-Geneviève. Merci d'être venu. Merci d'être là. Et à qui, évidemment, je vais donner la parole tout à l'heure. Mais comme vous l'avez entendu, il va nous dire que tu étais là pour le DMA. T'étais même pas le DMA de Sainte-Geneviève, vient pas forcément. Si, il était représenté dans une petite séance, c'était l'image lit le son. Il y avait un truc de 2 minutes. Exact. Donc toi, t'es venu comme ça? T'es venu parce que Florentine t'a obligé à venir? En disant, faut que t'ailles à Annecy, sinon tu seras un mauvais animateur toute ta vie. J'ai adoré le festival. D'accord. Parle bien dans le micro, tout le monde lui fait des gestes et tout. Vas-y, Samuel. Ouais, t'as juste été comme ça pour le plaisir. Moi, c'était ton première année. La première fois que je venais au festival et j'ai adoré passer une semaine de fou. Non-stop, quoi. Donc voilà, c'était juste génial. Donc j'apporte un avis un peu frais. Génial. Par rapport au vieux briscard complètement moisi, là. Merci. Génial. Et, ben, ça, et donc, on va avoir. Je vais enfin parler à Sarah Vandenboom. Bonjour, Sarah. Bonjour. Je lui laisse la parole qui vient. C'est la dernière invitée. Merci d'être là. Merci. Donc, pourquoi tu étais à Annecy cette année? J'avais mon film qui était projeté en compétition. Voilà. Donc toi, c'était en 2000, c'est ça, Richard vient de dire, ton premier. Donc en fait, tes 3 films que tu as fait ont tous été en compétition à Annecy. Eh oui, bon, on croise les doigts pour le prochain. Oui, pour l'instant, ça a été, j'ai eu pas mal de chance. Ça représente quoi d'être en compétition à Annecy? Pas grand-chose, juste le plaisir ou même un peu plus? C'est un peu plus, parce qu'à partir du moment où le film est pris en compétition à Annecy, il est plus visible par des sélectionneurs de festivals, par des gens qui viennent voir de l'anime et puis qui peuvent remarquer le film et donc son auteur. Voilà, donc c'est souvent un petit tremplin. On sent un petit virage dans la carrière du film après Annecy ou après un autre gros festival de ce genre d'ailleurs. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Puis évidemment, il y a le plaisir, il y a le frisson de la salle de Bonlieu. Enfin voilà, ouais. c'est tout ça mélangé. C'est un grand plaisir, une grande joie. Thierry nous parlait juste avant que vous arriviez d'une séance catastrophique pour un monsieur d'animation, ça s'appelle Jean Image, qui présente un court-métrage qui avait été sifflé comme pas possible. Est-ce qu'on a le cœur qui bat très très fort? C'est abominable. Moi, je suis toujours incapable de regarder mon film de toute manière dans une projection quelconque. Et là, Bonlieu, dans la séance de 21h, quand tous les étudiants sont là et que la salle est chauffée à blanc, mais c'est une expérience. Voilà, bon, moi j'ai fermé les yeux, je me suis concentrée sur le son qui est merveilleux. Je n'ai pas de moi, donc c'est formidable. Pendant tout le film, tu as fermé les yeux? Ah non. Oui, je ne veux pas regarder mon film. Non, c'est bizarre parce que d'ailleurs, Novecento, mon précédent film, j'ai pu me le réapproprier après quelques mois. Mais là, non, j'y arrive pas. Novecento, tu avais fermé les yeux aussi pendant tout le long? Parce qu'il est long, il est plus long. C'est un long tunnel, on se dit. Non, bizarrement, j'arrivais à le revoir, d'accord, mais pas celui-là. Voilà, je sais pas pourquoi. Et plus frais, non? Quoique, non? Je ne sais pas si c'est une question. Non, c'est un film que je n'arrive pas à revoir. Et quand on passe pour aller monter sur scène, il y a beaucoup beaucoup d'émotions et puis c'est surtout qu'on entend. Enfin, on a des petites antennes qui sont dressées pour tester la température de la salle et on entend les réactions de part et d'autre. Et c'est bon, là, ça s'est très bien passé. Les gens très étrangement, miraculeusement, ont compris mon film et l'ont apprécié. Donc c'était formidable. Tous ces applaudissements, c'était très, pas comme très Samuel, porteur. Tu disais pas oh là là, il repère là. C'était ça. Si bien sûr, mais comme je fermais les yeux, j'étais incapable de savoir ce qu'ils étaient en train de regarder. Waouh. Est-ce que en 2000, on part pour passer, est-ce qu'en 2000 tu te souviens du premier film qui t'a marqué? Est-ce que tu te souviens d'un film, à part le fait là aussi que ton film soit présenté, est-ce que toi tu te souviens d'un film qui t'avait marqué? C'est très drôle parce qu'en 2000, je me souviens qu'on avait été très sérieux, je crois, dans notre... Ah non, c'était l'année... Non, j'ai pas vu grand-chose en 2000, effectivement. C'était mon premier Annecy. J'étais complètement paumée. J'avais pas trouvé le bureau des sélectionnés des accréditations tout de suite. Enfin, voilà, c'était vraiment un petit peu un festival brouillon à ce moment-là. J'étais même pas arrivée le jour de la projection de mon film. Donc, voilà, c'était... On avait profité du lac, des cygnes et un peu du festival, mais c'est surtout l'édition 2002 qu'on avait. Alors, on avait été très sérieux, on regardait toutes les séances et on prenait des notes et c'était vraiment très très professionnel, mais je n'ai pas de souvenir. Si, où il y avait une course-poursuite entre une vieille dame en cyclomoteur et un bandit qui lui volait son sac. Alors, je ne me souviens plus du titre du film. C'est pas Not Without... Non, en cyclomoteur, non, parce que c'est pas... Je ne sais plus. Il lui volait son sac avec ses médicaments dedans, je crois, je ne sais plus. Qui est un truc en pâte à modeler, non? Non, c'était du dessin un peu gribouillé et c'était assez rigolo, mais voilà, je pourrais pas dire le titre. Je pense que comme finalement on est beaucoup dans le sujet rapidement, on va vite faire, je sais que Samuel doit partir assez récemment, on va vite faire quand même une petite pause rapide dès maintenant, comme ça on va 4 minutes pour se reposer et après on va parler que du festival. Vous connaissez tout le monde maintenant dans le studio, tout le monde s'est présenté et maintenant on va pouvoir tailler dans le vif du festival d'Annecy. Est-ce que c'était nul, est-ce que c'était bien, est-ce que la sélection était vraiment hachée? Profitez-en, vous avez l'un des sélectionneurs, ça n'arrivera pas tous les ans, donc c'est le moment ou jamais. Est-ce que, moi je sais que j'ai a priori deux personnes en compète, hors compète, qui ne devraient pas être trop mécontents de la sélection, en tout cas j'espère. Mais les autres, n'hésitez pas, est-ce que ça a bien changé le festival, c'est plus comme avant, Thierry? Ou alors est-ce que, waouh, c'est trop génial le festival, j'ai vu 45 films, c'est tous bons, même le truc super nul en plein milieu que tout le monde a testé, moi je l'ai adoré pour Mickaël. Enfin, on va voir ça juste après la pause, on va écouter, je me souviens après Bartok, fallait prendre quelque chose d'autre, on va prendre Coltrane, mais dans son côté plus tranquille, d'album qui s'appelle The Gentle Side of John Coltrane, et on va écouter la piste 11, parce qu'évidemment on fait ça comme d'habitude, sans filet avec Nicolas, qui est le superbe tube de Duke Ellington, In a Sentimental Mood. On va écouter ça de suite, merci. Et on revient après.